Exercice 3. Salut Anna, c'est Françoise. Tu vas bien ? Bonjour Françoise. Oui, tout va très bien. Dis-moi Anna, tu sais que je vais bientôt déménager. Et comme tu as toi-même déménagé le mois dernier, je me disais que tu pourrais peut-être m'aider. Je suis un peu perdue dans les démarches à faire pour le changement d'adresse. Comme je te comprends. Alors d'abord, il faut téléphoner à tous les prestataires de services pour leur communiquer tes nouvelles coordonnées. Le téléphone, l'internet, l'électricité, le gaz. Et pour les impôts, les services de santé, la banque, comment je fais ? Alors eux, il vaut mieux leur écrire, c'est plus prudent. Et si jamais j'ai oublié quelqu'un ? Le mieux, c'est d'aller à la poste et de demander le suivi du courrier à ta nouvelle adresse.